mélodie et beat entraînent ce mouvement cyclique de ma tête. J'ai des mimiques presque autistes en face devant le microphone. Les frissons, le risque de devenir aveugle. La sensation est si indescriptible. C'est lorsque tous les sens explosent pour enfin pouvoir tutoyer le sixième. Comme ce léger liseré rose précédant les pluies les plus diluviennes. C'est comme un écart, comme un regard, comme de l'orcard. C'est comme un orgasme, monter sans guide, avancer sans guide, ronger dans le vide, tomber dans le vide. Sensation pour flatter l'audition, pulsion positive, transformation de l'acuité auditive. Attardons sur la vibe, je sois galasi, copie une virgule de style, ponctuant une taf sur le speed, dans l'antipop, dans la fumée. C'est nos faces qui scintillent. Cette sensation indescriptible, ce ressenti que je m'explique, ce ressenti que je m'explique, cette sensation indescriptible, cette sensation indescriptible, ce ressenti que je m'explique, ce ressenti que je m'explique. Se taise pour enfin pouvoir laisser place au silence. Cet espace entre conscience et malaise, du ciel on s'élance, trouver la chute silence. C'est comme quand ses membres levaient la peau, la main d'une âme en creux de ma paume. C'est comme zoner en paume et la raison se satisfaire d'une part trouver sa maison. Perdu, pendu, la corde au cou qui noue le lien entre ne rien sentir et se sentir bien. Augmentation de l'indiscritique, cette sensation indescriptible. Stupéfait, agitation paisible, cerveau bouillonnant, trop bouillant, sous stupéfiant, j'ai créatif, spasme délicat cognitif. Réaction aiguë des centres sensitifs, une gestuelle prosaïque. La sensation si indescriptible, c'est la même sensation qui brûle dans tous ses corps. Du plus discret des hommes au mec le plus hardcore. Et ce qui nous reste c'est ce goût d'alcool amer. Et ce qui nous reste c'est l'envie qu'on perd de réécrire et tout refaire. De réécrire et tout refaire. Je me sers qui me pèse, qui me pèse. Ce produit qui me perce. Cette sensation indescriptible, ce ressenti que je m'explique, ce ressenti que je m'explique, cette sensation. Cette sensation indescriptible, ce ressenti que je m'explique, ce ressenti que je m'explique. Tu remets mon dernier coup de la vie.